Leçon 13. Le travail. Deuxième partie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, voilà. J'ai perdu mon emploi il y a 3 mois. Vous avez été licencié économique ? Oui. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise d'électronique. Et maintenant, je suis sans emploi. Je suis allé immédiatement à la NPE et j'ai rempli les papiers pour avoir les indemnités de chômage. Mais je n'ai rien reçu. Est-ce que c'est normal? Je vous ai apporté mon dossier. Vous êtes toujours à la même adresse? Oui, oui. 5 Allée des Roses à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes marié? Vous avez un enfant? Oui, c'est ça. Écoutez, votre dossier est complet. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Voilà, eh bien, je vois que le premier versement de vos indemnités va bientôt arriver. Ah bon, je vais recevoir de l'argent? Quand? Le 3 décembre. Nous sommes le 28 novembre, donc dans 5 jours. Il faut attendre encore un peu. Vous allez recevoir 1200 euros. Ah bon? Merci beaucoup. Alors, je n'ai rien à faire? Non, non, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir.